18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie-Baudry-Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièce auto Lavoie-Baudry-Napa, 890, 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièce auto Lavoie-Baudry-Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. On va parler du club de golf de Chibougamau avec la chronique du club de golf présentée justement par le club de golf de Chibougamau et votre magasin auto-pièce Napa également de Chibougamau. On parle avec Michel Lallemand, directeur général. Michel, salut Michel! Michel, avant de commencer, je veux savoir, j'ai appris une nouvelle ce matin, c'est une exclusivité dans Radio Sport. Le club de golf de Saint-Prime va avoir un montant de 35 000 $ par année récurrent pendant 4 ans. Ça va venir de la MRC Domaine du Roy. Question, est-ce que, parce que ça va pas nécessairement bien Chibougamau, c'est sûr que la structure de Chibougamau n'est pas faite la même affaire qu'à Saint-Prime. Par contre, ça va pas nécessairement bien. Est-ce qu'il y a des représentations de fêtes? Ça continue comme ça. Est-ce qu'il va y avoir des représentations de fêtes auprès des différents paliers, que ce soit la MRC ou encore la ville de Chibougamau-Chapin, pour que les villes et les MRC en viennent en aide au club de golf? Donc, l'année dernière, on avait eu des difficultés un petit peu avec la fin de la saison. Ouais. Puis en début d'année, on a eu des rencontres avec la municipalité. OK. Puis le conseil de ville du Chibougamau était très, très, très réceptif à notre demande. Et on a signé une entente de 35 000 $ échelonnée sur 3 ans. Bon. Avec ça, ça devrait nous permettre de nous relancer. La saison est bonne. Notre membership chez nous est excellent. OK. Nos activités connexes sont bonnes. Et on n'a pas de problème financier en vue pour les prochaines saisons. OK. Donc, le club, c'est 35 000 par année récurrent ou... Non. 35 000. Donc, c'est 10 000. Sur 3 ans. OK, OK. 15 000, 10 000, 10 000. Ah, OK, OK. Donc, ça devrait être... ça devrait vous donner le cash flow, qu'on l'appelle, là. Oui, c'est passé surtout parce que l'année dernière, compte tenu de la situation de la météo, ouais, on a eu une année difficile. Puis on avait eu 2-3 bris majeurs qu'on n'attendait pas à la dernière minute. Fait que donc, pour nous permettre de nous relancer, la municipalité a été très collaboratrice et c'est très apprécié de l'ensemble de nos membres. OK. Donc, bravo. Pierre-Alexandre Bédard est en tournoi à Chibougamau. J'ai essayé d'y parler. J'y ai parlé par l'interpan des médias sociaux. Il m'a dit que c'est son plus gros tournoi à vie. Oui, pour deux raisons. Ouais. Parce que, premièrement, c'est le circuit qui vise pour la prochaine saison. Ouais. Donc, le Mackenzie Tour, c'est la porte d'entrée pour le Web Tour. Okay. Fait qu'avec sa victoire au BIC il y a quelques semaines, ça lui donnait son droit d'accès à ce tournoi qui débute ce matin à Montréal. C'est un tournoi de 4 jours. 160 joueurs, un contingent impressionnant de joueurs des États-Unis. Ouais, j'ai vu Lee McIlroy. J'ai vu Lee McIlroy. Au Canada. Ouais, Michel, j'ai vu Lee McIlroy qui allait être là. Est-ce que ça se peut? Non, c'est pas le même McIlroy. OK, non, c'est... McIlroy était... Ouais. C'est au British Open. Non, non, mais c'est... C'est au British Open. Non, mais c'est Rory McIlroy. Il y a beaucoup de joueurs qui aspirent au circuit canadien qui sont là. Fait que pour lui, effectivement, s'il réussissait, grâce à des exploits tout à fait hors du commun, à finir dans les 10 premiers, il pourra avoir accès au deuxième tournoi suivant. OK, OK. Donc, pour lui, c'est sûr que c'est vraiment là son plus gros tournoi à vie actuellement. Non, mais tu penses que je parle de Rory McIlroy. C'est pas Rory McIlroy, c'est Lee McIlroy, qui est un autre nom connu là, du golf quand même. Là. Lui, c'est là. Mais je voyais sur RDS hier les prospects et ainsi de suite sur le site d'RDS. Et on parle jamais de Pierre-Luc. On parle beaucoup de... pas Pierre-Luc, Pierre-Alexandre. On parle beaucoup de nommé Bernard. Mais jamais, quand on parle de prospects, de jeunes prospects, le nom de Pierre-Alexandre Bédard est mentionné. C'est dommage un peu. On en parle quand on parle dans les prospects à devenir. OK. Hugo Bernard, dans le moment, qui est un Québécois, c'est lui qui a gagné le championnat canadien amateur l'année dernière. Mm. Donc, c'est le plus bel espoir à date pour justement espérer à ce qu'il puisse monter au niveau du Web Tour l'année prochaine et peut-être l'avoir sur le circuit mondial à partir des prochaines années. Mm. Tandis que les autres, comme Pierre-Alexandre et 4-5 autres de son niveau, Blanchette, Palois et compagnie, sont des prospects en devenir. Ouais. Pour bien situer les gens, là, le Mackenzie Tour, ça se trouve être comme la East Coast au hockey. Exact. Donc, c'est à peu près... C'est le troisième niveau. Ouais. C'est le troisième niveau après le niveau professionnel qu'on voit à la TV. Il y a l'équivalent de la Ligue américaine qui est le Web Tour. Puis après ça, il y a des circuits satellites un peu partout dans les niveaux. Ici, c'est au Canada. Il y en a aux États-Unis. Mais aux Canadiens, c'est le Mackenzie Tour. C'est ce niveau-là que Pierre-Alexandre va jouer à Montréal à partir de 9h15 ce matin. On va surveiller de près. On va essayer d'y parler pour le bulletin de sport local et régional de demain. Je vais devoir voir s'il va me retourner. Je devais y parler hier en entrevue, puis je ne sais pas pourquoi. C'est sûr qu'il doit être très occupé, il doit se préparer. D'après moi, tu ne réussiras pas à y parler pour la simple et bonne raison qui est dans une bulle, là. Ah ouais, parce qu'il... Il essaie d'y demeurer au maximum pour que son niveau de concentration soit à la fine pointe pour avoir les meilleures chances possibles de très bien performer. Oui, parce que on s'est parlé mardi sur les médias sociaux, puis il dit aujourd'hui je peux pas faire l'entrevue, mais demain je vais pouvoir, puis tu vois, je l'ai relancé hier, puis il m'a pas revenu. Fait que tu vois ça. Bon, c'était le tournoi régional à Chibougamo la semaine passée. Je pense qu'il y avait quoi, 138 joueurs, c'est ça? Une trentaine, 38 joueurs, excusez. Très bonne représentation de nos joueurs locaux, puis très bonne performance aussi de nos joueurs locaux avec deux victoires dans les plus hautes classes. Donc, dans le 2A, Marc-Olivier Bougie, qui a gagné avec une avance de 4 coups, avec une belle performance de 72. Et dans la classe A, Laurier Vincent, qui a gagné par 8 coups d'avance, avec un magistral 71. Ouais, OK. Donc, on est bien, bien contents, puis les gens ont été emballés par la qualité du parcours. Donc, très beau fin de semaine. On est bien satisfait des 22 joueurs de l'extérieur qui sont venus passer la fin de semaine chez nous. OK. Dont 7 dames de Dolbeau. OK. Il y avait un tournoi senior, il y avait un tournoi féminin. Est-ce qu'il y avait des membres du club de Chibougamo qui étaient en action aussi? Non. Non, OK. On n'a pas de représentant au niveau... Féminine. Ni senior, ni féminin. Ni junior. Au niveau régional. OK, OK. Maintenant, les différentes promotions. En fin de semaine, demain soir, c'est vendredi en folie. Ouais. C'est ouvert aux membres et aux non-membres. C'est un départ simultané à 6 heures. Puis c'est en équipe de deux. Les gens peuvent former leur équipe. On attend 40 à 48 personnes. Puis samedi, c'est la troisième qualification de la Coupe des champions. On devrait avoir une vingtaine de joueurs dans les trois calibres. OK. Ben, ça fait pas mal de tour pour cette semaine, Michel? Fait le tour cette semaine, mon ami. Donc, on s'en reparle, puis on souhaite bonne chance, évidemment, à tous les golfeurs qui sont au club de golf de Chibougamo. Cette chronique est une commandite du club de golf de Chibougamo et également d'Autopièce Napa. Michel, on s'en reparle la semaine prochaine. Plaisir. Voilà, donc, Michel Lallemand, le directeur général.